Premier livre de Samuel, chapitre 30. Or trois jours après David et ses gens étant revenus, à Tsikla, trouvèrent que les Amalécites s'étaient jetés du côté du Midi, et sur Tsikla, et qu'ils avaient frappé Tsikla, et l'avaient brûlé, et qu'ils avaient fait prisonnières les femmes qui étaient là, sans avoir tué aucun homme, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, mais ils les avaient emmenés, et s'en étaient allés leur chemin. David donc et ses gens revinrent en la ville, et voici elle était brûlée, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles avaient été faits prisonniers. C'est pourquoi David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix, et pleurèrent tellement qu'il n'y avait plus en eux de force pour pleurer. Et les deux femmes de David avaient été prises prisonnières, savoir Ahinoam de Jizréel, et Abigaïl qui avait été femme de Nabal, lequel était de Carmel. Mais David fut dans une grande extrémité, parce que le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple était outré à cause de leurs fils et de leurs filles. Toutefois David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et il dit à Abiathar le sacrificateur, fils d'Aïmélec, « Mais, je te prie, l'épho pour moi, et Abiathar mit l'épho pour David. » Et David consultait l'Éternel, en disant, « Poursuivrai-je cette troupe-là, l'atteindrai-je ? » Et il lui répondit, « Poursuis-la, car tu ne manqueras point de l'atteindre, et de recouvrer tout. » David donc s'en alla avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui demeuraient en arrière. Ainsi David et 400 hommes firent la poursuite, mais 200 hommes s'arrêtèrent, qui étaient trop fatigués pour pouvoir passer le torrent de Bézor. Or ayant trouvé un homme égyptien par les champs, ils l'amenèrent à David, et lui donnèrent du pain, et il mangea, puis ils lui donnèrent de l'eau à boire. Ils lui donnèrent aussi quelques figues sèches, et deux grappes de raisins secs, et il mangea, et le cœur lui revint, car il y avait trois jours et trois nuits, qu'il n'avait point mangé de pain, ni bu d'eau. Et David lui dit, « À qui es-tu, et d'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme amalécite, et mon maître m'a abandonné, parce que je tombais malade il y a trois jours. Nous nous étions jetés du côté du Midi des Chrétiens, et sur ce qui est de Juda, est du côté du Midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsikla par feu. » Et David lui dit, « Me conduiras-tu bien vers cette troupe-là ? » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu, que tu ne me feras point mourir, et que tu ne me livreras point entre les mains de mon maître, et je te conduirai vers cette troupe-là. » Et il le conduisit dans ce lieu-là. Et voici, ils étaient dispersés sur toute la terre, mangeant, buvant, et dansant, à cause de ce grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins, et au pays de Juda. Et David les frappa depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, qu'ils s'étaient mis à les poursuivre, et il n'en échappa aucun d'eux, hormis 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux, et qui s'enfuirent. Et David recouvra tout ce que les Amalécites avaient emporté, il recouvra aussi ses deux femmes. Et ils trouvèrent que rien ne leur manquait, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tant des fils que des filles, et du butin, et de tout ce qu'il leur avait emporté, David recouvra le tout. David prit aussi tout le reste du gros et du menu bétail, qu'on mena devant les troupeaux qu'on leur avait pris, et on disait, c'est ici le butin de David. Puis David vint vers les 200 hommes, qui avaient été tellement fatigués, qu'ils n'avaient pu marcher après David, qui les avait fait demeurer auprès du torrent de Bézor, et ils sortirent au devant de David, et au devant du peuple qui était avec lui, et David s'étant approché du peuple, il les salua aimablement. Mais tous les mauvais et méchants hommes, qui étaient allés avec David, prirent la parole, et dirent, puisqu'ils ne sont point venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons recouvré, sinon à chacun d'eux sa femme et ses enfants, et qu'ils les emmènent, et s'en aillent. Mais David dit, « Mes frères, vous ne ferez pas ainsi de ce que l'Éternel nous a donné, lequel nous a gardés, et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Qui vous croirait en ce cas-ci, car celui qui demeure au bagage, doit avoir autant de part que celui qui descend à la bataille, ils partageront également. » Ce qui fut ainsi pratiqué depuis ce jour-là, et il en fut fait une ordonnance et une loi en Israël, jusqu'à ce jour. David donc revint à Tsikla, et envoya du butin aux anciens de Juda, savoir à ses amis, en disant, « Voici, un présent pour vous, du butin des ennemis de l'Éternel. » Il en envoya à ceux qui étaient à Bethel, et à ceux qui étaient à Ramoth du Midi, et à ceux qui étaient à Jatir, et à ceux qui étaient à Aroé, et à ceux qui étaient à Siphamoth, et à ceux qui étaient à Astmoa, et à ceux qui étaient à Rakal, et à ceux qui étaient dans les villes des Jeraméliens, et à ceux qui étaient dans les villes des Kéniens, et à ceux qui étaient à Horma, et à ceux qui étaient à Corazan, et à ceux qui étaient à Attak, et à ceux qui étaient à Hébron, et dans tous les lieux où David avait demeuré, lui et ses gens.